La femme aime ça. L'homme aime ça. Les enquêtes sur la sexualité. Comment s'aime-t-on aujourd'hui en France ? Il y a les moments que je passe avec Aurélien, qui sont en vert, et les moments que je planifie avec Jenna, qui sont en violet. Mercredi, Aurélien. Okay. Jeudi, potentiellement, peut-être Jenna. Moi, je l'ai confirmé. Toi, tu l'as confirmé. Il faut que je le mette dans mon agenda, alors. Il y a un côté un peu figé, quand même, quand on regarde cet agenda-là. C'est pas parce que c'est inscrit dans l'agenda que c'est gravé dans le marbre. Donc on peut avoir des relations avec plusieurs personnes et ne pas avoir de relations sexuelles avec ces gens-là. Et vendredi, il y a maman qui vient. Oui, tout à fait. Elle est au courant, maman ? Oui, ma mère est très contente pour moi. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Dans cet écrit noir sur blanc, avec d'autres couleurs aussi, sur l'agenda, ouvert à la vue de tous. Il fut une époque, on va commencer par un poème de la fin du 19e siècle. Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu, nous serons mieux, c'est dans l'ombre que les cœurs s'aiment. Eh ben, ce sont les premières lignes, Jeannine Mossulaveau, bonjour. Bonjour. D'une de vos nombreuses publications sur l'amour, là c'était le dictionnaire des sexualités. C'est donc que vous préférez l'ombre? Pas forcément, mais il se trouve que ce dictionnaire... Si je l'avais publié dans l'état où il était, en gros un mois avant que je rende le manuscrit, il aurait commencé, puisque un dictionnaire ça va de A à Z, il aurait commencé par abstinence. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais mettre pour commencer ce dictionnaire avant abstinence. Et j'ai trouvé abat-jour, et j'ai fait la notice abat-jour avec ce qu'on peut raconter de tout à fait poétique à partir de la littérature et des chansons, sur ceux qui préfèrent faire l'amour dans la pénombre, ceux qui préfèrent l'électricité, ou le soleil. Un mois, enfin, tout bon. Entier, les volets fermés. Mais, la on chanson a oublié les jours. La chanson de Charles Dumont, qui est tellement belle, et bon. Toutes les chansons de Charles Dumont d'ailleurs. Je sens que vous aimez les chansons d'amour, on vous en passera une. Je suis une fan de Charles Dumont. Alors je dis les nombreuses publications de Jeannine Mossulaveau, parce que vous avez aussi publié deux enquêtes. Toute la semaine, on a parlé d'enquêtes souvent quantitatives. Ouais. Alors vous êtes l'entre quatre yeux, dans une pièce close, oui. Un temps très long, oui. Afin que des histoires de vie puissent se déplier. Absolument. Parce que moi, je crois beaucoup au qualitatif, et notamment, parce qu'il y a plusieurs méthodes dans le qualitatif, aux histoires de vie. Parce que je les ai pratiquées à diverses reprises, et je trouve que c'est ce qui permet d'avoir le plus, si vous voulez, de l'histoire et du ressenti des personnes. Parce que moi, ce que je leur demande, c'est... Alors, je prends l'exemple de la vie amoureuse sexuelle. Je leur demande de se reporter à leur enfance ou petite enfance et de me dire quand, comment ils ont découvert l'existence de la chose. Parce qu'on ne dit pas le mot sexualité quand on renvoie à des gamins de 5 ans, 6 ans, enfin l'âge à laquelle... En revanche, la chose, c'est clair pour tout le monde. Et comme l'enfance... Et a fortiori la petite enfance. Quel que soit l'âge des personnes que vous interrogez, c'est loin. Donc il y a prescription. Donc ils peuvent tout raconter, et notamment ils peuvent raconter ce qu'ils n'ont jamais évidemment raconté aux adultes qui étaient près d'eux à ce moment-là, que ce soit les parents, et disons la famille, ou n'importe quels adultes. Et c'est effectivement, en général, c'est assez torride en général. Enfin, il y a les choses torrides, qu'on n'imagine pas toujours. Et puis, il y a aussi les choses dramatiques, parce que à la fois, ils peuvent me raconter leurs frasques, et puis les violences qu'ils ont éventuellement subies, et qui peuvent être aussi des incestes. Donc, mais tout sort à ce moment-là. Pour donner une idée de ce que peut être le climat de vos entretiens, alors une jeune femme vous raconte comment elle s'est masturbée la première fois, et alors, prise de panique, elle a cru avoir une crise cardiaque. Sa première, parce qu'elle avait 15 ans, ou un peu plus, et sa première réaction, elle a eu tellement peur qu'elle s'est dit, je vais appeler les pompiers. Elle était seule dans l'appartement de sa grand-mère un soir, où sa grand-mère était je ne sais où. Et donc, mais le temps qu'elle se dise, oui, mais alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux appeler ou SOS médecin, ou le SAMU, ou je ne sais pas quoi. Bon, la tachycardie s'est calmée, le 42 de fièvre qui avait dû monter d'un coup a baissé. Donc finalement, elle n'a pas appelé les pompiers. Mais quand elle me racontait ça, on était prises toutes les deux d'un fou rire parce que, bon, moi j'imaginais les quatre malabars arrivant avec un brancard pour sauver d'une crise cardiaque une adolescente qui aurait dû leur raconter pourquoi elle avait cette crise cardiaque, qu'est-ce qui était arrivé. La première fois, c'est un thème qui revient sans cesse dans les enquêtes sur la sexualité. Mmh. Bon, on va pas donner la voix de ceux et celles que vous avez interrogés parce que quand on montre son intimité à Jeannine Monsieur Lavaux, on est assuré de l'anonymat et de la confidentialité. Alors Franck Olivard, il a choisi d'autres témoignages. Ma première fois, c'était avec mon amoureux du lycée. Ça devait faire six, huit mois qu'on était ensemble. Je crois que la première fois, je m'en souviens pas très bien, mais en tout cas, je sais que j'étais relativement jeune. Je devais avoir genre 10 ans. J'avais 16 ans et demi, 16 ans et 9 mois d'ailleurs, un truc comme ça. Mais en fait, il y avait deux garçons, je crois, avec qui je sortais plus ou moins. Je me souviens que ça m'a fait très mal. Bah moi, pas du tout, j'aimais bien. Je devais avoir 12 ans. C'était un Québécois. Ouais, à 17 ans et quelques, dans un festival complètement bourré, j'ai décidé de chauffer un mec qui avait un très bel accordéon. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à l'emmener dans sa tente. Sauf qu'une fois qu'il m'a pénétré, je lui ai serré la main, je lui ai dit merci beaucoup et je suis partie. Un truc super drôle, je suis sortie de la tente en criant à tout le festival, je suis plus pucelle. Documentaire Arte Radio, Caroline Ruffaut, Clément Baudet, c'est quand même étrange, ça n'aurait pas été le cas dans le siècle précédent, ni même dans le premier volume de votre vie sexuelle en France, annoncé Urbi et Torbi, la bonne nouvelle, appel oui, rhabillé. Oui, parce que souvent, il y a une obsession, c'est je veux pas être la dernière à savoir ce que tout le monde sait, parce que évidemment, les copines... même si elles n'ont pas fait, comme on dit, elles font semblant, elles essayent de faire croire qu'elles l'ont fait. Donc, des nanas qui se retrouvent en se disant, mais quand même, il y a plus que moi, quoi. Et c'est pour ça que, et j'en ai enregistré un certain nombre, il y a les déflorations, comment dire, programmées. C'est-à-dire des filles qui ne veulent pas faire l'amour pour la première fois avec le beau garçon dont elles sont amoureuses et dont elles espèrent beaucoup parce qu'elles veulent pas apparaître ou maladroite ou débutante ou mal à l'aise. Donc, elles choisissent d'avoir cette première fois avec quelqu'un qu'elles n'aiment pas, qui les intéresse pas du tout, mais pour être à l'aise après avec celui qui va vraiment compter. Et moi, j'ai eu un récit qui m'a fait beaucoup rire et qui est absolument charmant. C'est une jeune fille aussi qui, comme ça, avec le premier qu'elle avait choisi pour s'exercer, disons, d'une certaine façon, eh bien, elle m'a dit, moi, vous comprenez, là, bon, je n'étais pas amoureuse et tout, j'en ai rien à faire. Donc, j'étais très à l'aise. Et elle me dit, et d'ailleurs, j'ai enlevé ma culotte moi-même. Ce que j'ai trouvé une preuve absolument formidable. Alors, voici un garçon qui a jeté sa gourme, lui. Il s'appelle Alban. Il avait 17 ans, c'était dans l'Isère et en Rhône-Alpes, sur les docks France Culture, Julia Foïs. Et donc, effectivement, j'avais appelé donc Thibaut, qui est mon cousin, pour lui en parler, pour lui dire, voilà, il se passe un truc bizarre, j'ai une attirance, etc. Et c'est lui qui m'a dit, eh ben... Oui, c'est possible, ça arrive, c'est pas grave, viens passer un week-end à la maison et puis ben, on va faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire sortir dans le milieu pour que tu vois ce qu'il en est. Il m'a emmené dans une boîte au mot de Lyon qui était un espèce de repère de vicelard patenté. Et lors de cette soirée, il m'a présenté un ami à lui qui s'appelait Nicolas. Bon, on a passé la nuit ensemble, il y a eu première fois avec un garçon... De ce côté-là, effectivement, c'est pas la plus belle chose. C'est pas de cette manière-là que j'aurais aimé que ça se passe. Mais bon, c'est pas grave. Lors de cette nuit, j'ai complètement oublié de répondre aux appels des parents, des cousins, un peu affolé de savoir où était Alban sur Lyon. Et du coup, quand je suis rentré de ce week-end, je passe la porte d'entrée et ma belle-mère était assise derrière le bar. Elle me foudroyait du regard. Et la première phrase à laquelle j'ai eu droit en rentrant de ce week-end, c'est « Alors, ça va, t'as bien baisé ?» Ah, bah même chez les parents, la parole devient plus crue. C'est quand même une évolution que vous notez. Oui, oui, oui. Parce que moi, ce que j'ai constaté, en tout cas dans ma dernière enquête, en la comparant à celle faite 17 ans plus tôt, c'est que justement, la parole était beaucoup plus facile. La parole s'était libérée beaucoup plus. Et qu'en plus, les personnes, mais dans tous les milieux, y compris des milieux très, très, très, je dirais, modestes, pas scolarisés longtemps, etc., le vocabulaire est connu. Donc les gens vous parlent maintenant comme ça, de cunnilingus, de fellation, alors que dans l'enquête 17 ans plus tôt, les mots étaient pas aussi, n'arrivaient pas comme ça et n'étaient pas aussi, parlants et maniés sans le moindre problème. Quoi. Là, ils sont maniés de façon technique, pas de façon ou grivoise ou quoi que ce soit. Bon, puisque vous nous donnez l'autorisation, on l'aurait pas fait il y a 17 ans, parlons fellation alors. Est-ce qu'il y a une influence de la pornographie sur les pratiques ? Là, oui. Clairement. La première fois, il y en a plein qui se font la totale. Ce que je trouve assez intéressant. Parce que ça, là, pour le coup, ça provient vraiment d'une imagerie porno. Ouais. Il y a des pratiques sexuelles que tu pratiquais au bout d'un certain temps et quand tu étais dans une relation de couple, etc. Et qui sont aujourd'hui des choses que tu fais entre le cours de maths et le cours de français à 14 ans... pour essayer, quoi. Enfin, c'est... Voilà, les pratiques ont changé, ouais. Des choses comme la fellation, ça a été très mal vu pendant longtemps. Maintenant, c'est obligatoire. Je pense qu'une fille qui dit « Non, moi, je suce pas », elle passe pour une prude ou je sais pas quoi. Il y a des choses comme, par exemple, la sodomie qui est en train de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait bien accepté. Les gens savent que certaines personnes le font, mais c'est pas encore une norme. Un documentaire d'Ovidie sur France 2, Ovidie qui a une certaine expérience de l'industrie pornographique. Oui. C'est obligatoire. On dirait même, parce que vous parlez de libération, mais on dirait même que c'est une injonction. Visiblement, enfin, dans le témoignage recueilli, ont l'air de le dire, mais c'est pas si systématique. Quand vraiment les gens vous parlent très librement, longuement et tout, et vous voyez bien que les choses se font de façon plus progressive, que puis certains ne se fait pas. Moi, j'ai des très jeunes femmes qui me disent que la sodomie, elles sont pas très pour parce que elles trouvent ça douloureux, désagréable et tout ce qu'on veut. Je veux dire, il y a un peu toutes sortes de réactions, donc il faut pas, je pense, systématiser et penser que parce que les gens voient, les jeunes par exemple, voient des bouts de films porno ou tout un film porno, ils vont se dire que leur prochaine relation, ça va être comme ça. Ils savent très bien faire la différence. Et ça, je pense, il faut pas prendre les jeunes pour des imbéciles. Ils savent très bien faire la différence entre ce qu'ils voient et notamment ce qu'ils regardent parfois en groupe. Mixte d'ailleurs, ils regardent des films porno en bande de garçons-filles pour rigoler, me disent-ils. Et puis, ils savent très bien qu'il ne va pas se passer ça, que leur prochaine relation, ça ne va pas être un gangbang. Hein. Ça, ils savent très bien. Donc, je veux dire, penser ça, je pense que c'est un peu comme si on disait « Ah, mais attention, le drame, c'est, vous savez, ces films violents où on vole des bagnoles pour voler par-dessus les toits des autres voitures et tout, comme si les jeunes qui vont voir ces films, en sortant, ils allaient piquer la première bagnole et puis aller foncer dans le mur et tout. » Vous pensez plus profondément que tous ces sujets, on parle de violence, de consentement aujourd'hui sans cesse, ça ne peut être abordé avec beaucoup de finesse que par le langage de la littérature. D'ailleurs, vous avez fait des romans. Oui, bien sûr. Et dans tel ou tel de ces romans, on voit des femmes qui pensent être libérées et qui ne le sont pas du tout. Et qui se comportent en midinette. Bien sûr. Mais moi, j'ai écrit, je le revendique tout à fait, moi, j'ai écrit des romans de midinette. Mais pour mon plaisir, où il y a effectivement des scènes d'amour, mais disons que je ne suis pas du tout hostile à ce type de littérature, même si, évidemment, je préfère la grande littérature, comme on dit, et des auteurs beaucoup plus chevronnés que moi. Mais Paul Géraldi baisse un peu la bajour, c'était pas si mal. Ah, ben oui. C'est votre demande. Un poète du début du XXe siècle qui a été adapté par Georges Brassens. Oui. Ouais. Ça s'appelle ? Ça s'appelle Les Passantes. Et c'est une des plus belles chansons qu'on puisse écouter, que Brassens a écrite après ce poème, et malheureusement pour lui, juste après, il voulait la rencontrer juste après la mort du poète. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Comment s'aime-t-on aujourd'hui avec Jeannine Monsieur Lavaux, qui vient de faire paraître en collection de Poche Point sa dernière enquête qualitative sur la vie sexuelle en France, qui était parue dans une première édition en 2018. Je vous vois ému, mais revenons, si vous voulez bien, des généralités, Jeannine Monsieur Lavaux. Les passants remarquent davantage de passantes que les passantes ne comptent de passants. Oui, mais ça, c'est un, je dirais, c'est un classique. C'est-à-dire, quand on demande dans les enquêtes quantitatives aux hommes et aux femmes de dire combien de partenaires ils ont eu dans leur vie, bon, quel que soit leur âge, etc. Au jour de l'enquête, combien de partenaires vous avez eu? En général, on voit que les chiffres donnés par les hommes sont bien supérieurs aux chiffres donnés par les femmes. Et ça s'explique de plusieurs façons, c'est-à-dire que, notamment, les hommes comptent tout le monde, y compris éventuellement les prostituées, les coups d'un soir, etc. Alors que les femmes ont tendance à compter ceux qui ont compté, ceux dont elles estiment qu'ils ont compté, et à ne pas prendre en compte ceux... Moi, je me souviens même d'une fille que j'avais interviewée, et elle m'a raconté sa vie, et ça a duré des heures et des heures. Puis à la fin, je lui dis, vous avez combien de partenaires en tout? Alors elle me dit, ça fait, voilà, et elle me donne un chiffre. Je dis, mais attendez, c'est pas autant, moi j'ai l'impression que j'avais d'avoir compté plus. Elle me dit, alors je lui dis, celui-là, par exemple. Elle me dit, oh mais non, celui-là, ça compte pas, c'était une histoire de vacances, ça n'a duré qu'un mois, c'était si, sex and san. Non, je ne l'ai pas compté. Une histoire qui a duré un mois de vacances. Bon, les hommes comptent ce qui a duré un quart d'heure, quoi. Ça s'ajoute, et puis peut s'ajouter à ça le fait que les hommes peut-être se vantent aussi, c'est possible, et les femmes ont tendance à aussi diminuer parce qu'elles ne veulent pas apparaître parfois comme trop légères, disons, voilà. Et si je peux me permettre de vous interroger sur votre méthode, les interlocuteurs que vous avez eus, hommes ou femmes, ce sont des passants ou vous les revoyez? Ça dépend, parce que la dernière enquête, un certain nombre de personnes interviewées étaient très intéressées partout, donc me rappelaient, ça peut être un mois ou deux mois, enfin après, pour me raconter ce qui s'était passé dans leur vie depuis l'entretien, ou pour me demander des nouvelles de l'enquête en me disant « Ah, mais c'est intéressant, où ça en est, racontez-moi ». Et donc, il y a eu des suites comme ça, des apéros, des dîners, des cafés, avec des interviewés qui voulaient prolonger, disons, les festivités. Et je rappelle que leurs enregistrements sont conservés sous clé. Ah oui. Et ne sont pas prêts d'être simplement déposés dans des archives. Non. Ça veut dire, il y a un de vos interlocuteurs, Denis, 56 ans, les prénoms sont changés. Oui. Qui dit toutes ces femmes que j'ai rencontrées, ça m'a rendu moins con. Oui. Vous diriez ça, vous aussi? Ah, mais de votre expérience. Absolument, absolument, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important, et merci de, effectivement, de suggérer ce point-là, qui est que, je pense que dans notre vie, toutes les histoires, je pense, y compris celles dont on pense qu'elles se sont mal passées, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il y en a qui sont mal passées, j'oublie et tout, nous ont apporté quelque chose. Chaque histoire a apporté quelque chose. Je pense que chaque histoire nous a agrandi. Voilà. Parce qu'elle nous a fait découvrir quelque chose. Et que quand on fait un bilan, tout peut compter finalement. Mais vous savez, dans une vie de fidélité. Ah oui, bien sûr. Chaque moment compte aussi. S'il n'en reste qu'un. Alors, voici celui-ci, sélectionné par Franck Olivard. La première fois et la dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était avec ma femme. La première fois qu'on a fait l'amour, c'était dans le lit de mes parents, qui travaillaient, et on faisait les devoirs, et puis... c'était moi, bien évidemment, qui insistait lourdement à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Puis au bout d'un an, elle a cédé, un peu moins d'un an peut-être, allez, on va dire 8-9 mois, elle a cédé. Elle voulait pas, parce que bon, c'est sa première fois, et que... Étant italienne, ses parents assez anciens, c'est du genre t'attends d'être sûr d'être avec la personne avec qui tu vas te marier, genre limite même attends de te marier, bon peut-être pas à ce point mais presque. Donc oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle m'a fait galérer longtemps, mais c'est meilleur après. Et puis du coup, on a 3 enfants. S'il y en a qu'un, il y a peu d'exemples. Que vous ayez rencontré de gens qui avouaient une fidélité. Oui, j'en ai, mais très peu, très très peu, effectivement. Ouais. Et plutôt dans des générations âgées. Il faut qu'on sache que vous êtes une femme diversifiée. Enfin, je veux dire que vos spécialités sont diverses. Voilà. Et que vous avez fait beaucoup de sciences politiques. Oui. J'aimerais bien interroger la spécialiste de sciences politiques, de sociologie, sur... Comment dire, je ne sais pas quel mot utiliser, séparatisme, enfin je le mets vraiment entre guillemets, oui. Entre les pratiques dans les familles encore religieuses et les autres. Parmi les familles religieuses, il y a les familles musulmanes. Voici un reportage de Raled Sidmohand dans une cité de Champigny il y a quelques années déjà. Enfin, tu vois, par exemple, le jour de mon mariage, si Dieu veut, j'embrasserai pas mon mari, tu vois, ça c'est clair. C'est... En public. Alors... En public, exactement, en public. À la mairie, je lui ferai la bise, quand on aura dit oui tous les deux. Je lui ferai pas un bisou sur la bouche. Et ça, moi, en français, j'en ai déjà discuté avec eux. Mais attends, mais on s'aime, pourquoi? Mais attends, mais tes parents, tu crois quoi? Tu crois qu'ils sont bêtes? C'est une sorte de culture, et voilà, on a toujours été élevés comme ça, voilà, c'est une question de respect. Hein. Dès que ça devient chaud à la télé, on change de chaîne, et voilà, c'est pareil, là, c'est des choses qui, voilà. Il faudrait changer la personne, tu vois, et t'es pas là pour changer les gens. Donc, vaut mieux rester avec des gens qui vont te comprendre, et puis c'est tout, quoi. Est-ce que vous voyez épouser des Français ? Moi, non. Je me vois épouser un Black. Ouais, je le dis haut et fort, sérieux, mais pas un Français. T'en as connu ? T'en as aimé ? Des Français ? Bon, là, c'est Kenza qui parle, là, oui. J'en ai... un Français, ouais. J'ai déjà connu, mais... C'est cette expérience qui te fait dire que ouais. C'est pas possible. On s'entendait bien, hein, mais c'est pas pareil. Je trouve qu'ils ont plus de difficultés à nous comprendre. Donc on va pas se marier avec quelqu'un qui va vous faire des caresses devant vos parents. Ah non, ça c'est pas pensable. C'est pas pensable dans ce contexte, disons. En tout cas, moi ce que j'ai pu voir du contexte arabo-musulman, parce que j'ai interviewé pas mal de filles, de femmes, donc différents âges et différents milieux qui sont dans ce contexte culturel, religieux, etc. Et y compris, je veux dire, ce qu'on voit quand les gens, disons, ont des niveaux d'études plus élevés. Il y a plus d'ouverture, plus de liberté, plus, etc. Mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et donc, moi, j'ai eu, par exemple, le cas d'une une journaliste qui allait se marier avec un arabo-musulman. Le mariage était prévu. Ils ont eu des relations sexuelles avant le mariage, ce qui, normalement, se fait pas. Et elle s'est retrouvée enceinte. Eh bien, et ils ont décidé qu'elle allait, et c'est ce qui s'est passé, elle a avorté avant le mariage, pas longtemps avant le mariage, parce qu'il n'était pas possible dans la famille, d'arriver devant la famille avec un petit ventre qui aurait prouvé qu'il y avait eu relation sexuelle avant le mariage. Ça, c'était pas possible. Donc, avortement, alors qu'ils avaient plutôt envie d'avoir ce bébé, quoi. Mais avortement, ensuite mariage. Et après seulement, voilà. Et alors qu'en bonne théologie morale, l'avortement, c'est plus grave comme faute que l'amour. Mais vous dites, les arabo-musulmans, il y a la même tendance à l'endogamie dans d'autres milieux qui vivent un peu comme dans des forteresses religieuses. Quand vous avez un curé de paroisse polonais ou venu d'Afrique centrale qui fait la morale aux familles catholiques de France, celles-ci sont parfois étonnées. Oui, mais disons que la contrainte s'est quand même beaucoup desserrée, y compris chez les catholiques pratiquants. Et donc, je pense que c'est pas au même niveau de répression et de conformité qu'on s'impose à soi-même. Une histoire de curé pour finir, le film de Tarantino. Mm-hmm. Vous vous souvenez ? Lequel ? C'est, j'ai pas noté le. Si, Cinéma Paradiso. Ah, Cinéma Paradiso, parce magnifique. Que vous faites visualiser le plaisir. Oui, parce que ça, je l'ai cité. Et alors ? Oui. Parce que justement, ça revient à ce dont je parlais, c'est-à-dire quand les gens font une espèce de bilan de leur vie amoureuse et sexuelle, je dis souvent, essayez de vous souvenir des bonnes choses, et notamment, vous pouvez avoir comme au fond mémoire, comme dans Cinéma Paradiso, il y avait ce film donc légué par le curé, qui était la mise bout à bout de tous les baisers de cinéma qu'il avait coupés. Au cinéma, on coupait à chaque film. On coupait à chaque film la scène de baisers. On faisait un film rien qu'avec tout ça. Et le projectionniste qui avait dû couper tous ses baisers sur ordre du curé, eh bien, on a fait un montage avant sa mort, qu'il a légué au réalisateur qui revient dans son village natal et qui, enfant, avait été privé de ses scènes de baisers parce que le curé l'imposait. Et il se passe cette bande, et à ce moment-là, il voit tous les baisers de tous les films qu'il a vus enfant sans ces scènes cruciales. Et moi, je dis aux gens... essayez, parce que c'est ce que j'ai essayé de dire dans la conclusion de mon livre, essayez de mettre bout à bout les belles scènes que vous avez vécues, parce que tout ça, quelle que soit la suite, ça vaut la peine d'être vécu. Vaste programme. Et de l'autre côté de la vitre, on me dit ce que Fabrice Drouel, bonjour. Oui, bonjour. Aurait dû me dire, c'est pas Tarantino, non, c'est Tornatore. Voilà, je ne voulais pas dire parce que je savais que c'était pas Tarantino, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne me souvenais pas. C'est Tornatore. Donc je ne suis pas intervenu. On y arrive tous en équipe quand même, ça a du bon. Alors, nous avions Étienne Bertin pour la censure des propos inexacts. Nous avions Louis Audebert à la technique et Franck Olivard à la préparation. Demain, nous ferons une émission sur Jean Daniel qui est mort à presque 100 ans. Alors vous-même, l'âge, Fabrice Drouel ? Pardon. Je vois que vous en êtes au 700e inédit émission. C'est très aimable de le dire, effectivement. 700e numéro inédit d'Affaires Sensibles, qui sera consacré à Léon Blum. L'histoire de Léon Blum. Le procès de Léon Blum. Arion.